Nous aurions pu vivre ensemble très longtemps, mais le destin nous a mis dos à dos. On s'est connus trop tard ou bien trop tôt. Le temps est là qui fait tout passer. Peut-être un jour aurais-je oublié. Toi, tu faisais paraît-il ma vie. Et puis un jour, chacun pour soi s'en est allé. Toi, tu faisais paraît-il ma vie. Et puis le temps t'a emporté. Toi, tu faisais paraît-il ma vie. Et puis un jour, nous aurions pu nous retrouver par hasard. Tu es parti sans savoir qui j'étais. On vit d'abord, on comprend tout après. Le temps est là qui fait tout passer. Peut-être un jour aurais-je oublié. Chacun pour soi sans.